Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ces prochaines minutes bonheur, tous les mardis à 8h et 13h30. Et aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans le cocon de la méditation. Mais pour commencer, la méditation, qu'est-ce que c'est ? Le terme méditation, du latin meditation, désigne une pratique mentale ou spirituelle. La méditation, Bhavana en sanskrit et pali, est au cœur de nombreuses pratiques spirituelles ou religieuses, comme celle du bouddhisme, de l'hindouisme, etc. C'est une pratique visant à produire la paix intérieure, la vacuité de l'esprit, des états de conscience modifiés ou l'apaisement progressif du mental, voire une simple relaxation, résultat pouvant être obtenu en se familiarisant avec un objet d'observation, qu'il soit intérieur ou extérieur. Certaines techniques de méditation peuvent être utilisées dans un cadre thérapeutique. Et oui, la méditation serait bon pour notre santé. Le documentaire « Les étonnantes vertus de la méditation » de Benoît Laborde, fait en 2017, diffusé sur Arte en octobre 2018, fait le bilan de recherches scientifiques concernant les bienfaits sur la santé de certaines techniques de méditation et de leur usage dans des hôpitaux à travers le monde, où elles sont utilisées en accompagnement thérapeutique pour réduire notamment les douleurs chroniques et le stress liés à de nombreuses pathologies. Selon un article du Monde sur ce documentaire, ce qui était considéré il y a quelques décennies comme une médecine alternative devient médecine à part entière. Il y a près de 40 ans, les premières recherches poussées sur la méditation n'intéressaient que les psychiatres et les psychologues. Au fil du temps, cardiologues, neuroscientifiques, immunologues et endocrinologues se sont intéressés aux bienfaits de la méditation sur leurs patients. Les techniques de méditation sont désormais utilisées en accompagnement thérapeutique dans de nombreux hôpitaux américains et européens. Il existe des centaines de techniques de méditation, mais rassurez-vous, il est inutile de toutes les connaître pour commencer. En réalité, c'est même déconseillé. Pour débuter, seules 2 ou 3 techniques seront nécessaires. Mieux vaut donc vous concentrer votre énergie et vos efforts sur ces quelques techniques plutôt que vous éparpiller. Vous progresserez ainsi plus rapidement. Les 4 types de méditation les plus courantes sont la méditation vipassana, la méditation transcendantale, la méditation zen et la méditation en pleine conscience. La méditation vipassana est basée principalement sur la respiration. Elle permet entre autres de développer sa concentration et son attention. Cette méditation est souvent considérée comme le ciment et la base des autres techniques de méditation, car sans concentration ni attention, il pourrait être impossible de progresser sur la voie de la méditation. La méditation transcendantale est une technique de relaxation profonde et de développement de la conscience. Elle se base notamment sur l'utilisation des mantras. phrase ou mot répété de nombreuses fois. Certains considèrent qu'elle est la plus facile car elle offre un support de concentration plus concret, mais en réalité, sa maîtrise parfaite requiert une grande expérience. La méditation zen basée sur l'expérience immédiate et la compréhension de toute chose sur le champ. Cette méditation utilise des techniques pour changer la vision que nous avons de la réalité. Elle permet un changement radical de point de vue sur le monde et nous-mêmes, simplement par le biais de l'observation et de la réflexion. Certains la trouveront plus palpable, d'autres y seront plus hermétiques. La méditation en pleine conscience. Cette forme de méditation permet de s'affranchir du flot de pensées qui traverse sans cesse notre esprit et d'être pleinement éveillé à l'instant présent. Il s'agit de prendre conscience de chaque instant, de son corps, des autres et de son environnement. Elle permet d'être éveillé en pleine conscience de soi et des autres à chaque moment de son existence. Peut-on méditer sans avoir un temple bouddhiste sous la main ? Eh bien oui, bien sûr, il est même possible de méditer partout et à n'importe quel moment de la journée. Dans les transports en commun, en marchant dans la rue, assis à son bureau ou dans une salle de réunion. Néanmoins, pour avoir une bonne qualité de méditation, il serait recommandé d'instaurer un rituel. Il est préconisé de plutôt choisir un endroit calme, chez vous, où vous ne serez pas dérangé et où vous pourrez vous rendre pour chacune de vos méditations. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de place ni de matériel. Il vous faut juste de quoi vous asseoir. Une simple chaise, un coussin et une couverture posée dessus peuvent être amplement suffisantes pour débuter. Quel moment de la journée doit-on privilégier ? Le moment idéal pour méditer dépend de chacun et doit s'adapter à votre rythme. Certains préféreront le matin pour démarrer leur journée de manière paisible. D'autres le retour chez eux le soir pour se recentrer, d'autres encore juste avant de dormir. Choisissez ce qui vous convient le mieux. Tout en évitant la sortie des repas car la digestion entrerait en conflit avec votre méditation. Et tentez de garder ce même moment chaque jour pour le ritualiser. Il y aurait trois règles d'or sur la position à adopter en méditation. La colonne vertébrale droite. La méditation est un processus énergétique puissant dans lequel le cerveau va échanger de nombreux signaux et substances avec le reste du corps. La tuyauterie principale de ce mécanisme est la colonne vertébrale. Ne pas la tenir droite, c'est comme tordre un tuyau d'arrosage et espérer avoir le début d'eau maximale en sortie. Si vous pratiquez la méditation pour bénéficier de ses effets, veillez à avoir le dos droit. Les muscles relâchés. Il est possible de se tenir droit en forçant sur nos muscles. Les 5 premières minutes seront tenables. Mais dès la 6e, tension et douleur apparaîtront et vous empêcheront de maintenir très longtemps la position. Si vous vivez chaque méditation cassée et courbaturée, c'est comme si vous faisiez du footing avec une cheville foulée en permanence. Ça vous empêche de réaliser correctement votre effort et surtout, vous pouvez parier sur le fait que vous arrêterez définitivement votre entraînement très bientôt car vous finirez par vous décourager. Si vous voulez pratiquer la méditation dans la durée, Vous devez trouver une position où vos muscles sont relâchés et où vous pouvez respirer librement. L'immobilité. Une méditation assise a pour but de vous permettre de focaliser toute votre attention sur un seul objet. C'est le cap de votre méditation. Imaginez un avion qui souhaite atteindre sa destination mais qui sans arrêt dévie brusquement de sa trajectoire. Le pilote est alors bien incapable de méditer sur sa tasse de café, occupé qu'il est à rétablir le cap en permanence. Il en est de même pour nous. Un corps immobile, c'est un pilote, une conscience mieux focalisée. En respectant ces trois règles, peut-on méditer allongé sur le dos? Oui, mais néanmoins, ça serait une position à éviter car elle serait propice à l'endormissement et qu'il est contre nature de créer dans son cerveau une association du type « méditer sert à dormir ». La méditation sert au contraire à éveiller son esprit et à le concentrer. Bien que personnellement, j'utilise la méditation pour m'endormir. Il existe des méditations guidées pour chaque moment de notre journée et celle de l'endormissement est pour moi très efficace. Encore une fois, respectez vos besoins. Alors comment doit-on s'asseoir? Eh bien la position parfaite et sans aucun matériel est celle du lotus. J'espère que vous aurez trouvé dans ces quelques minutes bonheur l'envie de découvrir la méditation. Sachez qu'il existe de nombreux ouvrages sur le sujet, également de nombreuses vidéos de méditation guidées à écouter selon votre sensibilité. N'hésitez pas, chaque méditation a un moment propice de sa journée pour la vivre au mieux. Et les bienfaits y seront parfaits. Je vous embrasse très très fort et vous dis à la semaine prochaine. Merci à tous.